Jeanne dort. Elle laisse, ô pauvre ange banni, sa douce petite âme aller dans l'infini. Ainsi le passereau fuit dans la cerisaie. Elle ne regarde ailleurs que sur terre. Elle essaie, hélas, avant de boire à nos coupes de fiel, de renouer un peu dans l'ombre avec le ciel. Apaisement sacré. Ses cheveux, son haleine, son teint plus transparent qu'une aile de phalène, ses gestes indistincts, son calme, c'est exquis. Le vieux grand-père, esclave heureux, pays conquis, la contemple. Cet être est ici-bas, le moindre et le plus grand. On voit, sur cette bouche, poindre un rire vague et pur qui vient on ne sait d'où. Comme elle est belle. Elle a des plis de graisse au cou. On la respire, ainsi qu'un parfum d'asphodèle. Une poupée, aux yeux étonnés, est près d'elle, et l'enfant, par moments, la presse sur son cœur. Figurez-vous, cet ange obscur, tremblant, vainqueur, l'espérance étoilée autour de ce visage, ce pied nu, ce sommeil d'une grâce en bas âge. Oh, quel profond sourire, et compris de lui seul, elle rapportera de l'ombre à son aïeul. Car l'âme de l'enfant, pas encore dédorée, semble être une lueur du lointain empiré, et l'attendrissement des vieillards, c'est de voir que le matin veut bien se mêler à leur soir. Ne la réveillez pas. Cela dort, une rose. Jeanne, au fond du sommeil, médite et se compose je ne sais quoi de plus céleste que le ciel. De lys en lys, de rêve en rêve, on fait son miel. Et l'âme de l'enfant travaille, humble et vermeille, dans les songes, ainsi que dans les fleurs, l'abeille.